PSO Tech, la retour bang bang, Brick Squad, la retour bang bang, Brick Squad, la retour bang bang, Brick Squad, BOB. 1-7-1-7, ouais c'est ma team. Qu'est-ce que tu connais de la street? Nique les flics, ouais on veut du flic. Pour cuisiner, y'a pas besoin de chimie. Tu veux du terre, va voir El Boutor. Le fou, j'ai une mis touche car dans ton corps. Corps pour œil, dent pour dent. Tu connais la loi du plus fort. J'ai c'est le tarot, ouais j'suis pas d'accord. Chargé le Glock qui refait le décor. Rime sanglante, dans mon 1-7 on t'a retrouvé mort. Dans mon 1-7 on t'a retrouvé mort. Ouais les mecs, sortez les Porsche. Liasse dans la poche, nique les ports. Tire dans le décor, vas-y tire dans le décor. C'est mon 1-7, qui te braque, on est dans tout. Des graves arrachés, ça craque. Plavon, IMAX et les baqueux qui t'embarquent. Bar du bif, on en a pas marre. Ta zone est tard le soir. Zone nord, pas de banlieue, zard. Les keufs dans le square. Dans le bas de sort, les meurs. Transac dans le hangar. Un gueule, y'a pas de bourbier. C'est ça que tu peux t'en aller. Pas le dur du côté de l'allée. Rinté, capuché. Ramé, mais les bails discrets. Dans la partie, allez, condé. Ce qu'on veut, c'est pas percer. Faire des sons de taré. On a des blocs bien chargés. Chargé. De la SB, viens chercher. Dans le hall monte au premier. Premier. Et taille des queues la peu frappe. Bang bang bang, tu t'y attendais pas. T'en pas. Vas-y, leur coup t'attends pas. Brick Squad demande à plus pas. L'aspi, gros terre de peu frappe. L'inspi, viens tout droit de me dar. Lâche du pont, l'effet qui craque. Sinon tu rêves gros, moi je dors pas. On prend du bif, mais pas comme dans le banc. On est chez toi, en plein sommeil, de tes remparts. Rappe sur ton passage, mais surtout ne laisse aucune trace. Ne te fie pas cette pétasse, on te la mettra avec classe. Tu parles de petit mais je te dépasse. Grosse boîte des 6 sur le texte, je t'efface. Dans mon hoodie pleut des liasses. Je meurs en l'air quand les keufs passent. LETO, PSO Tech. LETO, PSO Tech. LETO, PSO Tech. LETO, ok. Ratatata, héroïne, Brick Squad. Ratatata, la retour de mitraille. HDR, roule son putain de royal. Vedel, charbonneur, il est al. Gucci, coste là. Mangano, à coste là. Taïdé, taïdé, la quête place. Reste là, t'inquiète même pas. J'suis dans l'audi, ne fais pas vernis. Tous mes négros sont mal polis. Les Yankees sont bien servis. Brick Squad, la retour, pas de vie. Gros tarpé, allumez les mortiers. Demande Aristo, y'a pas de bourbier. Calage, magnum, Glock chargé. J'ai pas tiré, pas pour te blesser. C'est un bonheur posté sur l'allée. L'allée. Rebecca pour faire de la monnaie. Joue comme un rebelle du Congo. Mendedo, Mardo Théo. Puni Auto, de PSO. PSO ghetto, gros blunt. Ramène le butin avant que les balles pleuvent. Paralo Drums, gros big up. Peuple chargé, tu fais moi le deuil. 7-5-0-10-7-4-4. A4, A4, ça rafale. Baisse-toi, quand ce sera le Brick Squad. Aucun négro s'en va. Vas-y, goûte la feu froid. AMG, t'as de pas sorti les bourbiers. Que le M6 te mette à crier. Calage, Magnum Glock chargé. Magnum Glock chargé, Kalash, Magnum Glock chargé, ok ça fait, PSO Tug, XV2, tu vois les bleus, Tri 22, pour poursuite, crie le feu, BA2S allume son joint de feu, Brick Squad, feu frappe.